Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la ruée vers l'or du Klondike à la fin du 19e siècle. Ils venaient de l'Europe, de l'Angleterre, de la France, de Belgique, de partout. C'était des gens qui travaillaient dans la banque ou bien dans un bureau, n'est-ce pas? Alors, c'était pas des gens qui étaient habitués à faire des grandes aventures. Quand ils arrivaient sur l'autre côté, ils n'avaient pas de bois, de manger pour les vêtements, rien. C'était des gens de la ville. Georgette Kermzy est la fille d'un bijoutier de l'Alaska qui a fait fortune durant la ruée vers l'or. On l'entend dans le documentaire Jack London et la fièvre de l'or diffusé à la télé de Radio-Canada en 1976. On estime qu'ils sont environ 100 000 à avoir commencé le voyage vers le Yukon pour participer à cette grande aventure qu'a été la ruée vers l'or du Klondike. Environ 30 000 vont arriver à destination, mais une poignée d'entre eux seulement vont trouver là-bas l'Eldorado dont ils rêvaient. Mais le Yukon, a-t-on dit, c'est aussi le vieux Nazarino, chercheur d'or qui, après tant d'années, refuse de croire que l'époque du Klondike est à jamais révolue. Il fait partie d'un petit groupe d'hommes qui n'a pas su abandonner. Chaque été, certains quittent les asiles pour vieillards afin d'aller une dernière fois, comme ils disent, tenter leur chance. Il ne suffit que de quelques pépites d'or dans le fond de la panne pour entretenir la fascination. C'est de sa lointaine Italie que Nazarino a entendu l'appel du Klondike. Comme des milliers d'autres, de tous les coins du globe, il a répondu. Comme eux, il a connu misère et déception, mais lui n'a pas abandonné la partie. Seul, isolé, Nazarino se contente d'une vie on ne peut plus modeste. Nazarino, le Klondike est toujours vivant. Extrait de l'émission Reportage diffusée en 1963. Pour nous raconter cette incroyable aventure de la ruée vers l'or du Klondike, je reçois Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson à Montréal. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. Un mot d'abord, Frédéric Bastien, sur l'importance, avant de parler de l'importance historique qu'a eu le Klondike. Parlons un petit peu de l'importance que ça a dans notre imaginaire collectif. Ça occupe beaucoup de place. Tout le monde a entendu parler du Klondike. Pourquoi une telle importance dans l'imaginaire collectif canadien par rapport au Klondike? Oui, je dois dire aussi dans l'imaginaire collectif américain, parce que c'est vraiment aussi une histoire qui a concerné vraiment beaucoup les deux pays. Voilà aussi. Ça a vraiment captivé les gens, cette idée qu'on pouvait se rendre dans cet endroit tout à fait reculé, isolé du monde et qu'on pouvait devenir millionnaire, devenir faire une fortune. Et il y a toute cette espèce de rêve humain, là, vous savez, d'arriver au pays de Cocagne où là, on va vraiment avoir tout en abondance et qu'on va pouvoir... Ou c'est un peu lié aussi au fait du mythe de la frontière américaine. On était peu de temps après la fin de la frontière américaine aux États-Unis et au Canada aussi, on peut dire, d'une certaine façon. Donc, ça joue un peu surtout sur un certain nombre de registres qui ont fait que ça a beaucoup marqué les gens, évidemment, de l'époque. Et ils nous ont transmis ce souvenir. Puis des histoires croustillantes. Puis vous allez nous en raconter quelques-unes au cours de cette émission. Mais c'est cette espèce de rêve dont vous parliez, la promesse de richesse. On repousse les frontières. Puis franchement, plein de petites histoires complètement fascinantes, le coût de la vie à ce moment-là, une ville comme Dawson City qui va devenir quelque chose d'un peu surréel, où tu as des prospecteurs qui reviennent complètement pleins de boue, complètement sales et qui mangent dans de la vaisselle de porcelaine. C'est ça le Klondike. Absolument, aussi. C'est ça. C'est une espèce de démesure humaine où on a toutes les côtés les plus fascinants, on peut dire, de la nature humaine, le pire et le meilleur, ouais. Se côtoient, l'esprit d'aventure, cultures, toutes sortes de choses qui se mélangent. Ça, c'est très riche. C'est très riche sur le plan du récit. Ça va donner d'ailleurs plein de films. Et je pense que c'est pour ça qu'on s'en souvient. C'est ça, c'est le côté de la nature humaine que ça nous expose, cette histoire-là, qui fait qu'elle nous a beaucoup, elle a beaucoup intéressé les contemporains et continue aujourd'hui de nous intéresser. Mais cela dit, au-delà de ce romantisme-là, de la richesse dans le récit qu'on peut faire de ces aventures du Klondike, quelle importance ça a eu, vous êtes historien, sur le plan historique, cette affaire-là? Bien, l'importance que ça a eu, je dirais, disons plus concrète, si on veut, là, c'est vraiment qu'à ce moment-là, il y a une très, très grande dépression économique, une des plus grandes dépressions économiques avant la grande crise économique de 1929, là, 1930. Et donc, le monde, les États-Unis, le Canada sont dans cette récession qui a mis vraiment beaucoup de monde dans la difficulté, etc. Et cette découverte d'or va avoir un important impact pour mettre fin à la récession. Donc, c'est vraiment la découverte de l'or du Klondike qui va très, très, de façon très rapide, propulser l'économie non plus vers le bas, comme elle va complètement renverser la tendance. Et l'économie va se remettre à croître suite à cette découverte d'or au Klondike. Donc, ça va être payant économiquement, cette affaire-là. Oui, absolument. Ça va stimuler l'économie. Mais l'économie, c'est un peu mystérieux, mais ça va redonner de l'optimisme aux gens. Ça va faire qu'il y a de l'or qui va circuler pour toutes sortes de raisons. Ça développe le Nord aussi. Ça développe le Nord, mais pour toutes sortes de raisons, ça va vraiment mettre fin à la crise économique qui sévissait depuis quelques années à ce moment-là. Il faut dire que quand on parle de découverte de l'or, bien sûr, on parle du Klondike à la fin du 19e, mais le Klondike, c'est déjà au moins la troisième ruée vers l'or. Alors, parlez-nous un petit peu du contexte dans lequel on en arrive au Klondike. Il y en a une première ruée en Californie un peu plus tôt. Voilà, il y a une ruée vers l'or en Californie en 1849, qui est à ce moment-là la plus importante ruée vers l'or en Amérique, dans les Amériques, je devrais dire. En tout cas, certainement en Amérique du Nord. Et qui va être dépassée par celle du Klondike. Donc, au moment où ça se produit, une des raisons pourquoi il y a cet emballement, c'est que le souvenir, justement, de la Californie est est relativement récent. Voilà, il y a la frontière qui n'existe plus. Donc, cette idée qu'on peut aller vers la frontière, rejouer nos chances, ça va, tout ça, c'est quelque chose qui n'existe plus depuis quelques décennies déjà. Et arrive, c'est comme si le Nord, en l'occurrence le Klondike, devient une nouvelle frontière. C'est un peu aussi ce qu'on disait de l'Alaska, où il va y avoir également un peu de temps après le Klondike, une ruée vers l'or en Alaska également. Donc c'est tout ça qui... En fait, ça remonte, parce que la Californie, il y a ensuite la Colombie-Britannique, vers 1858, par là, le Klondike, donc le Yukon, puis ça va finir effectivement en Alaska. Il y a vraiment une trajectoire là, où on part du sud et on monte vers le nord. Revenons sur le Klondike, sur le Yukon. C'est à l'été de 1896 que ça commence. Le prospecteur américain George Carmack découvre de l'or dans un petit ruisseau qui est relié à la rivière Klondike. Parlez-nous de lui et de sa découverte. Qui il est, George Carmack? Et qu'est-ce qui se passe ce fameux été pour lui? Ben voilà, alors lui, c'est justement il y a dans la région qui est aujourd'hui la ville de Dawson, il y a un tout petit groupe de prospecteurs d'or, justement dans la lignée de ce que vous avez évoqué, les différentes ruées vers l'or précédentes. Donc, on a encore de l'espoir de trouver de l'or, notamment dans cette région. Alors, M. Carmack, c'est un Américain qui est là depuis assez longtemps, plusieurs années, qui s'est marié avec une autochtone. Donc, il est très intégré avec la culture, dans la culture autochtone. Il y a ses partenaires d'affaires, c'est sa belle-famille. Et donc, ils sont là, ce petit groupe, avec d'autres prospecteurs, mais ils ne sont vraiment pas très nombreux. Alors, ils pêchent du saumon, ils font du commerce de saumon pour combler les fins de mois parce que les affaires ne vont pas très bien. Et ce petit groupe-là, il y a aussi une espèce de pourvoyeur, un type qui s'appelle Joe Ladue, qui est un Canadien français. Donc, c'est un petit groupe qui cherche de l'or et... Après quelques années de prospection, donc en 1896, ils découvrent de l'or. Et là, vraiment, ceux qui vont faire beaucoup d'argent, c'est vraiment rapidement, ce sont les tout premiers. Donc, le groupe de de Carmack, qui est au début, qui est là avec sa belle-famille, avec Joe Ladue et quelques autres, ils vont très rapidement faire de l'argent. Et là, ce qui va arriver, c'est que ça va prendre un certain temps avant que la nouvelle, n'est-ce pas, franchisse les frontières du Yukon. Alors, L'hiver, en fait, ralentit tout. Été 1896, c'est les premières découvertes importantes d'or par Carmack et son petit groupe, mais cet or-là va se retrouver, va partir par bateau éventuellement, va un se an plus tard, c'est ça. Presque un an plus tard. Alors, l'été suivant. Voilà, c'est ça. Alors, durant l'hiver, il y a des villages de cabanes en bois rond de l'Alaska qui, il y avait des gens qui faisaient quand même des trajets malgré les conditions hivernales. Et là, ils entendent parler que voilà, il y a de l'or au Yukon, il y a de l'or à Dawson. Et là, il y a un certain nombre de villages le long de la rivière Yukon qui vont complètement se vider, des villages de cabanes en bois rond en plein hiver. Les gens abandonnent complètement toute la place et packent tout ce qu'ils peuvent dans un traîneau avec leurs chiens, se mettent en direction de Dawson. Et là, le premier bateau va quitter Dawson au printemps donc de 1897. Et là, les bateaux vont arriver sur la côte ouest. Donc, à Seattle, à San Francisco, à Vancouver. Et c'est là vraiment que là, la rumeur s'emballe. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment un embrasement, si je peux dire. Là, tout le monde se met à en parler. Tout le monde veut mettre le cap vers le Yukon. Le maire de Seattle démissionne. La moitié du corps des pompiers s'en vont vers le Yukon. Il y a des gens de partout, de tous les milieux, des gens éduqués. Edison tourne un film voilà, c'est ça. Un des bateaux arrive et là, il y a Edison qui tourne un film. Et là, il y a les premiers prospecteurs, le groupe de M. Cormack qui débarque et qui sont des vedettes internationales. Voilà, il y a le président américain qui veut rencontrer Joe Ladue, qui lui ne veut que rentrer chez lui parce qu'il lui a fait son argent et a la bonne idée de quitter Dawson pendant que ça va bien. Donc, bref, donc c'est vraiment une très, très grosse nouvelle. Et vous le disiez, ça va mal. C'est vraiment économiquement une situation très, très difficile. La situation est très difficile économiquement au Canada, aux États-Unis. Ce qui fait qu'on dit qu'à peu près, je le disais d'entrée de jeu, mais 100 000 hommes quand même vont partir pour le Yukon. Absolument, c'est ça. Il va y avoir plusieurs vagues, là, mais en tout, on estime à 100 000 ceux qui vont aller au Yukon. Il y en a là-dessus à peu près une trentaine de mille qui vont réussir à se rendre effectivement à Dawson. Et là-dedans, il n'y en a pas beaucoup qui vont faire de l'argent vraiment avec ça. Alors, il y en a peut-être un petit groupe de quelques centaines de prospecteurs. Et il y en a beaucoup qui vont tout perdre. Alors, il y en avait un qui était très connu, un type qui s'appelait Alec McDonald, alias Big Alec McDonald, qui, lors du premier hiver où il y a très peu de nourriture à Dawson, il va échanger un sac de farine avec un prospecteur russe contre le lotissement du dit prospecteur. Et là, le fameux McDonald va découvrir de l'or sur ce lotissement, va faire une fortune. À un moment donné, il va monter à 20 millions de dollars, va se marier avec une Anglaise de bonne famille de Londres, etc. Et il va finir par tout perdre. Il va finir sans le sou dans une cabane en bois rond, exactement là où il avait commencé. Ouais. Puis il y a des gens qui... Parce que ça coûte... C'est une ville, Dawson, puis on va y revenir dans un instant, mais évidemment, il y a des femmes qui s'offrent aux hommes qui reviennent de leurs activités de prospection. L'alcool coule à flot. Il y a des gens qui vont se ruminer au jeu dans la prostitution. Et ça fait partie aussi de cette légende du Klondike. Revenons quand même un petit moment sur le voyage. Parce que c'est en soi toute une aventure. C'est des centaines, des milliers de kilomètres. En fait, les gens partent la plupart du temps de la côte ouest américaine. On écoute un extrait d'un documentaire de l'ONF, Capitale de l'or, réalisé en 1957. Vous allez y entendre Robert Gadois lire le récit que fait l'auteur Pierre Burton du passage du fameux col du Chilkoot, qui fait partie de ce long voyage et qui est devenu mythique. C'est toujours ce col-là qu'on voit en photo avec ces hommes qui font la queue leu-leu dans ces sommets enneigés du Yukon. Le col de Chilkoot. Cette scène devait rester présente à l'esprit de mon père jusqu'à sa mort. Un peu comme si on l'y avait gravé avec du feu. Même lorsque sa mémoire commença à décliner, le spectacle demeura. Chaque homme devait hisser au haut d'une série de pentes de glace inclinées à 45 degrés une tonne d'équipement, par charge de 100 livres à la fois. À défaut de ce matériel, qui devait suffire aux besoins d'une année, la gendarmerie royale ne vous laissait pas pénétrer dans le territoire du Yukon. Pas le droit de vous reposer non plus, autrement vous risquiez d'attendre des heures avant de pouvoir réintégrer votre place dans l'interminable chaîne humaine. Au bout de la piste, la masse du matériel s'accumulait. Il tomba 70 pieds de neige cet hiver-là. Et quand vint le printemps, il y avait là-haut sept épaisseurs de bagages et de provisions que les hommes devaient déterrer avant de poursuivre leur route. Route hasardeuse, certes, mais dont le terme était une promesse de bonheur. Donc, ce passage de Chilcoot, ces fameuses images qu'on a tous en tête, là, les prospecteurs qui se suivent l'un à la suite de l'autre dans ces montagnes enneigées du Yukon, ça, c'est, dans tous les sens du mot, c'est le pic, c'est le sommet du voyage. Oui, absolument, oui. mais c'est plus que ça, là. L'aventure commence sur la côte ouest. Raconte-nous un peu ce que ça veut dire, partir pour le Yukon à ce moment-là. Bien, d'abord, ça voulait dire, surtout dans les premiers mois, dans l'été 1897, ça voulait dire réussir à s'embarquer sur un bateau. Les bateaux étaient chargés vraiment à pleine capacité et bien davantage. Il y avait des chevaux à bord, ça débordait. On manquait d'embarcations. Alors, il y avait des vieux rafiots qui étaient rafistolés, qui étaient en cale sèche, n'importe quelle embarcation. Il fallait se dépêcher, n'est-ce pas? Parce qu'évidemment, il y avait l'idée tout à fait juste d'ailleurs que plus on attendait, moins il y aurait d'or. Alors, il fallait au plus vite, il fallait y aller au plus vite. Et donc, c'est ça, les gens s'embarquaient entassés. Ils n'avaient aucune idée de ce dans quoi ils s'embarquaient. Souvent, ils manquaient d'équipement. Alors là, c'était vraiment... c'était pas souvent des choses qui étaient très réfléchies ou organisées. Et là, ensuite... Et là, on longe toute la côte. Donc, toute la côte... On longe la côte jusqu'en Alaska. Et là, on débarque dans un endroit dont j'oublie le nom, mais qui n'était même pas... Il n'y avait pratiquement aucun habitant. L'endroit où les bateaux s'arrêtent pour dans une zone de delta de l'Alaska, quelque part dans le détroit de Bering, ou peut-être un peu plus bas. Mais bref, alors il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de... c'est pas un port, c'est pas... Là, on débarque avec des barges, c'est-à-dire que les bateaux ne peuvent pas approcher proche parce que, justement, c'est pas du tout aménagé. Alors, il y a toutes sortes de... On transborde dans différentes embarcations des bateaux océaniques jusqu'à la terre ferme. Et là, on part, justement, vers les deux cols. Donc, le Chilcoot, et il y en a un autre aussi qui était plus long, mais un peu moins élevé, donc un peu moins dangereux. Il y en a qui essayaient de passer avec des chevaux qui mouraient à la tâche, etc. C'était... Il y en a même un cas où un cheval tellement épuisé s'est jeté dans un précipice. Et les hommes qui l'ont vu faire ça étaient convaincus que l'animal s'était suicidé. Donc, c'était vraiment une aventure absolument incroyable à plusieurs égards. Parce que ce passage, le passage du fameux col, l'un ou l'autre, ça veut dire... on a l'impression que c'est un trajet unique, mais non. Racontez-nous un peu. Chaque homme, la police montée, la GRC, en fait, oblige chaque prospecteur à amener avec lui nourriture. Oui, absolument. Parce que l'idée, c'est qu'on va manquer de nourriture à Dawson si les hommes n'amènent pas avec eux leur propre provision. Et malgré, justement, cette décision des autorités, on a manqué. Donc, c'est une tonne là, qu'ils doivent transporter. Voilà, chacun. C'est ça. Ils doivent avoir leur bagage, c'est-à-dire leur nourriture pour provision pour un an, plus on va les obliger à amener des pics, les obliger à avoir un certain nombre de matériaux, d'outils. Donc, la GRC, la police montée, va vraiment effectuer un contrôle serré pour que ça ne devienne pas vraiment... encore un peu plus, si vous me permettez, l'anglicisme de free-for-all. Ouais. Là, donc, le passage du col, c'est 30, 40 allers-retours. Oui, ça, on doit faire des allers-retours pour transporter ces choses. Et ensuite, il faut descendre une rivière qui est gonflée au printemps par les eaux, par les crues, qui est très dangereuse. Et là, encore, on s'embarque dans des embarcations de fortune. Et donc, sur la rivière Dawson, et c'est voilà. Donc, et ça, c'est encore des centaines, près de 1000 kilomètres, en fait. Ah oui, absolument. De descente en rivière. Donc, c'est des mois de voyage, en fait. Absolument, tout à fait. Une fois arrivé à Dawson, qu'est-ce qui attend nos fameux chercheurs d'or? On écoute Louis-Edmond Hamelin en parler à l'émission Partage du jour en 1963. En arrivant sur les lieux, il fallait d'abord dépister ce qu'on appelait comme un claim, c'est-à-dire un terrain fertile. Or ça, c'était le secret, tout le monde se jalousait, tout le monde se surveillait. De toute façon, quand on en trouvait, il fallait courir sur les lieux, avoir un guide pour ne pas se perdre, souvent marquer sa propriété, la surveiller, revenir enregistrer son lot, encore là auprès de la police montée, qui d'ailleurs a eu un excellent rôle à cette époque, bâtir des abris, bâtir des canaux de lavage, creuser des puits. Il y avait là, en somme, à construire presque toute une petite installation, parce que ce qui a caractérisé, ce qui fait d'ailleurs tout l'intérêt du Klondike, c'est que les mineurs travaillaient dans leurs mines. Il ne s'agissait pas, en somme, d'une installation colossale, une grande exploitation avec des machines. Au contraire, c'était l'homme avec sa pelle, avec son écuelle, c'était l'homme avec son petit bac à bascule, en somme, qui travaillait lui-même, dans le fond de sa vallée, à ramasser son or, comme ça, petit à petit. Et le soir, il entassait ça en attendant de pouvoir aller porter son précieux paquet à Dawson dans les voûtes plus sûres d'une banque. Alors, ça donne déjà, il y a déjà plein d'images qui nous viennent. L'histoire du Klondike, c'est toute cette imagerie. Et dans cette imagerie, il y a cette ville, Dawson City, qui va connaître une croissance phénoménale. Ça va être un boom extraordinaire. Parlez-nous de ça. On l'a vu, là, petite prospection artisanale. Les gars essaient de faire de l'argent, de trouver de l'or. Et ils se retrouvent tous, donc, dans cette ville-là. Ça ressemble à quoi, Dawson City, à la fin du 19e siècle? Bien, au départ, ça ressemble à un village de cabanes en bois rond qui n'en finit plus de grandir et qui, en 2 ans, va avoir jusqu'à 40 000 habitants, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui, c'est 1 300. C'est pour vous donner une idée. Donc, voilà, c'est ça. Alors, on s'installe un peu comme on essaie. Les autorités vont essayer quand même réussir, il faut le dire, je crois, à encadrer quand même les choses de façon relativement efficace. Mais c'est un endroit un peu, comment dirais-je, surréaliste. On paye en poudre d'or, il n'y a pas de billets de banque. Tout se transige en poudre d'or. Comme, évidemment, il y a une rareté des matériaux, il y a une rareté de la nourriture, il y a une rareté de tout. Il y a des prix astronomiques. Le bois se vend 140 $ pour du bois de construction qui coûterait 6 $, 7 $ en Ontario. Ouais. C'est, à un moment donné, il y a des périodes de famine où une dinde pour Noël s'est vendue à 172 $. Des choses totalement qu'on a de la difficulté aujourd'hui à imaginer. Et là, ensuite, bien, il y a beaucoup de gens qui vont jouer des fortunes. Il y a une espèce d'aspect un peu Las Vegas. Les prospecteurs, ceux qui font de l'argent après ça, argent facile, enfin facile, il faut s'entendre, mais bref, ont tendance à le dépenser facilement. L'alcool, les femmes, voilà. Alors, il y a des fortunes qui vont se perdre dans des parties de poker. On parle aujourd'hui de ça serait en dollars d'aujourd'hui, des millions de dollars qui vont se jouer et se perdre au poker. Donc, il y a vraiment, il y a une démesure derrière tout ça. Dans cette ville champignon se condense. Et là, il y a des gens qui viennent visiter Dawson, ça devient une attraction touristique. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très, très, très particulier. Mais ça va durer qu'un temps, pas très longtemps, en fait, parce que dès 1898, ça commence à s'essouffler. Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bien, tout simplement parce qu'il y a moins d'or. Et au même moment, il va y avoir une découverte d'or en Alaska, qui est toute proche. L'Alaska est toute proche, évidemment. Et donc, ça va une partie des prospecteurs vont se diriger vers l'Alaska. Et assez rapidement, dans les années qui vont suivre, Dawson va perdre sa population pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, un petit village, n'est-ce pas, dans le territoire du Yukon. Et qui vit encore de l'or, par ailleurs. On trouve encore de l'or à Dawson, évidemment, non plus en grande quantité comme avant, mais il y a encore une industrie orifère importante pour cette région. Et donc... Il y a encore un peu de tourisme, évidemment. Il y a encore du tourisme. Et on doit construire selon les critères du 19e siècle pour garder l'aspect historique de la ville. Donc, il y a ce facteur touristique qui joue patrimonial. Parce qu'on continue de se fasciner pour cette histoire-là, celle du Klondike. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson dans la région de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis... À la prochaine.